Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. En 1978, René Girard publiait « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Un livre dans lequel, 6 ans après l'avoir exposé dans « La violence et le sacré », il approfondissait sa théorie selon laquelle toute société humaine repose sur une violence qu'engendre la mimésis d'appropriation, le désir mimétique de posséder ce que l'autre possède. En 1978, année de la parution des choses cachées depuis la fondation du monde, Roland Auguet proposait dans Les chemins de la connaissance une série de 9 entretiens consacrés au livre de René Girard, dont nous allons entendre le premier. Partant de son interprétation du mythe d'Œdipe, René Girard y posait comment, selon lui, mu par la mimésis d'appropriation, se seraient constitués les processus de sacrifice, de désignation du bouc émissaire, sur lesquels se seraient fondées toutes les religions primitives. Les chemins de la connaissance, René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde, premier des 9 entretiens, la mimésis et le double, une émission diffusée le 18 décembre 1978 sur France Culture. L'œuvre de René Girard n'est pas considérable sur le plan quantitatif. 3 livres, Mensonges romantiques et vérités romanesques, publiés en 1961 chez Grasset, La violence et le sacré en 1972, Des choses cachées depuis la fondation du monde 1978, toujours chez Grasset. Si l'on peut parler d'une œuvre néanmoins, c'est que ces livres remettent en cause un certain nombre de théories modernes qui sont, sinon admises, du moins très répandues dans le domaine de la culture. L'œuvre de Girard repose sur l'hypothèse que les sociétés humaines sont fondées sur la violence qu'engendre ce qu'il appelle la mimésis d'appropriation, mimésis qui, par un processus cumulatif, conduit à la mise en accusation d'une victime émissaire vouée au sacrifice. Le sacrifice est l'acte qui, à la fois, soude et réconcilie la communauté. De là, une interprétation nouvelle de l'interdit, des rites et du sacré en général, et une lecture nouvelle des mythes qui remet en cause les lectures traditionnelles de la psychanalyse et du structuralisme. Les mythes, pour Girard, ce sont des textes écrits par ce qu'il appelle les persécuteurs pour s'aveugler eux-mêmes sur cette violence fondatrice des sociétés. Du moins, ces mécanismes d'aveuglement ont-ils fonctionné de façon presque parfaite jusqu'à la Bible qui, déjà, en laisse entrevoir la nature? Mais c'est le Nouveau Testament qui la révélera au grand jour. Le Christ est la victime lucide, éclatante, de ces choses cachées depuis la fondation du monde. Pour comprendre l'œuvre, il faut partir du mythe d'Œdipe. René Girard. Dans le mythe d'Œdipe, nous avons un héros, le personnage principal, Œdipe, qui est accusé, qui est jugé par la ville de Thèbes responsable de la peste qui accable cette ville et qui est aussi déclaré coupable d'avoir tué son père et d'être devenu le mari de sa mère. C'est le fameux parricide et l'inceste dont Freud a tant parlé. Si on examine certains textes du bas Moyen-Âge ou certains textes souvent oraux du monde moderne, texte que j'appellerais texte de persécution, par exemple les pogroms du Moyen-Âge, ou de la Russie tsariste, ou le lynchage du sud des États-Unis, on s'aperçoit qu'on trouve toujours les mêmes éléments que dans le mythe d'Oedipe. Les gens qui sont victimes de ces phénomènes collectifs, dans le cas par exemple de la vraie peste que fut la peste noire au XIVe siècle, sont accusés d'actes contre nature, d'avoir violé tous les tabous. Souvent, par exemple, les juifs ou les lépreux, qui sont les victimes de ces phénomènes collectifs, sont perçus comme coupables des mêmes crimes qu'Oedipe, parricide, inceste, infanticide, refus de respecter les règles religieuses. Précisément, vous parlez de persécuteurs, de persécutés, de crises, de lynchage. Alors, tout ceci que vous voyez dans les mythes, dans les textes de persécution, comme vous venez de le dire, bon, tout ceci se rattache à un certain nombre de notions initiales dont il faudrait peut-être parler. Bien sûr. En particulier, la mimésis, enfin, qu'est-ce que c'est que la persécution? Oui, c'est ça. Autrement dit, si tous les mythes sont vraiment des textes de persécution dissimulés, il y a dans l'homme un rapport à la mimésis que nous ne connaissons pas, qui est infiniment mystérieux, des types de phénomènes collectifs qui ne sont pas étudiés et dont, au sujet desquels, notre ignorance est du même ordre que notre ignorance du mythologique. Alors ici, évidemment, je pars d'une théorie de la mimésis qui m'est assez particulière et en même temps, je pense, qui est très simple. Vous savez que la mimésis ou l'imitation, la mimésis c'est le mot grec, fait partie, est un thème culturel du monde occidental depuis Platon. Platon éprouvait à son sujet une terreur dont la nature nous échappe et qu'il n'explique pas réellement de façon convaincante. Je crois que la mimésis, l'imitation, affecte tous les domaines d'activité humaine, et en particulier l'appropriation. Dans le Sophiste, si je me souviens bien, Platon nie spécifiquement que la mimésis soit une conduite d'appropriation. Je crois que c'est là l'erreur fondamentale. J'irais même jusqu'à dire que l'attitude philosophique fondamentale dans notre univers consiste à ne pas reconnaître le caractère appropriatif de la mimésis. Et ce caractère appropriatif de la mimésis est beaucoup plus simple que la théorie du désir de Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave, à laquelle on essaie souvent de me rattacher. Il est même tellement simple que les problèmes qu'il pose à mes lecteurs, je crois, sont dus à cette extrême simplicité. Si les gestes d'appropriation sont imités, cela veut dire que deux mains vont converger sur le même objet. Autrement dit, très vite, les positions de modèle et d'imitateur vont s'inverser, car le geste que fait l'imitateur sur l'objet va renforcer le désir d'appropriation chez le sujet. L'escalade de la violence, l'escalade du conflit, me paraît liée fondamentalement à ce mécanisme de la mimésis, qui est d'une simplicité évidemment enfantine et qui n'est pas spécifiquement humain. C'est l'essentiel, à mon avis, est de voir ceci. Parce que accéder à une ethnologie qui ne sera plus métaphysique, c'est-à-dire qui ne posera pas une différence en soi, a priori, et insurmontable, n'est-ce pas, indiscutable entre l'homme et l'animal, c'est peut-être en partant de la mimésis d'appropriation qu'on va y réussir. Si j'ai raison au sujet de la mimésis d'appropriation, cette mimésis d'appropriation chez l'homme est infiniment plus intense que chez les animaux. Elle est plus intense parce que l'homme est l'animal, comme nous dit Aristote d'ailleurs, le plus mimétique. Aujourd'hui, ces paroles gardent un sens très précis. Les neurologues, par exemple, nous disent que les mécanismes du cerveau sont des mécanismes essentiellement mimétiques. L'homme est la créature qui a le cerveau le plus volumineux. On peut donc penser que la mimésis d'appropriation chez l'homme, à la différence de ce qui se passe chez l'animal, ne peut pas aboutir spontanément à des formes de hiérarchie du type réseau de subordination animale, ce que les auteurs de langue anglaise appellent les dominance patterns, du dominant et dominé. On peut croire que le mécanisme de la rivalité d'appropriation tend à aller jusqu'à la mort, c'est-à-dire qu'il ne s'interrompt pas naturellement. Et à mon avis, cette vision des choses a un autre avantage considérable, c'est qu'il permet d'éliminer cet instinct de violence dont parlent les éthologistes. Ils parlent facilement d'un instinct de non-violence ou de freinage, n'est-ce pas, en ce qui concerne la mise à mort de l'adversaire. À mon avis, c'est inutile. Il suffit de penser tout ceci à partir d'une intensification de la mimésis. Il y aurait un seuil à partir duquel les sociétés de type animal ne peuvent plus se former. Et alors, évidemment, ce seuil pose des problèmes formidables, car comprendre que ce seuil existe, c'est comprendre que nous ne comprenons absolument pas la possibilité même des sociétés humaines. Autrement dit, nous nous trouvons devant une impossibilité de société d'ordre spontané, d'ordre qui s'effectuerait à partir d'une rivalité mimétique qui se calmerait d'elle-même. Il doit exister, par conséquent, un mécanisme de résolution du conflit mimétique. En partant de ceci, c'est-à-dire on arrive au fond au même résultat, peut-être qu'en partant de la comparaison des mythes et des persécutions. Car ce mécanisme, notre lecture des mythes, notre mise en rapport des mythes et des textes de persécution, et notre lecture de la mimésis, au fond, nous dirige vers la même possibilité. Le mécanisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le bouc émissaire. Vous savez que l'expression bouc émissaire est employée de deux façons, pour parler d'un rite et pour parler d'un mécanisme spontané de résolution des conflits sur le dos d'une victime qui n'en peut mais, littéralement. Et le fait que cette expression ait ces deux sens, dans les langues modernes seulement, à mon avis depuis la Renaissance, montre qu'il existe une connaissance implicite du fait que la réconciliation, aux dépens d'une victime tierce, joue un rôle fondamental dans les sociétés humaines. Oui, alors, si je comprends bien, vous jetez un pont entre l'éthologie et l'ethnologie. C'est ça. Ce passage, ce moment où le dominant spot ne peut plus fonctionner, c'est une question de développement du cerveau ou est-ce qu'il y a une définition, une hypothèse possible pour expliquer justement que on a des sociétés animales dans lesquelles la violence est réglée par ces dominance patterns. Et puis, alors il y a un passage à un certain moment. Est-ce que la science actuelle peut nous laisser entrevoir quand même une possibilité d'explication? Je pense, parce que nous voyons chez les primates, par exemple, que chez les ancêtres de l'homme, une augmentation constante du cerveau. Par conséquent, on peut penser qu'à partir d'un certain seuil, qu'il est évidemment impossible de situer historiquement dans la préhistoire, mais ça n'a aucune importance pour l'instant, théoriquement, nous pouvons penser que le moment arrive où la mimésis n'est plus auto-régulatrice directement. Elle doit donc le devenir indirectement. Il doit exister un mécanisme d'auto-régulation qui n'est pas présent dans la vie animale et qui est peut-être caché dans la vie humaine du fait même que nous avons des mythes au lieu de textes de persécution. Et évidemment, ce mécanisme serait le rassemblement mimétique de toute la communauté contre une victime fondamentalement arbitraire, en dernière analyse arbitraire. Alors que peut-il se passer ici? Nous avons très peu de renseignements objectifs, très peu d'études au fond de ces mécanismes mimétiques, et c'est sans doute là une lacune extraordinaire de la recherche moderne, qui est évidemment liée à tout ce que j'essaie de montrer. Nous pouvons penser que la mimésis d'appropriation dont j'ai parlé essentiellement divise les hommes. Divise les hommes tout en les homogénéisant d'une certaine façon, tout en créant une espèce de réciprocité conflictuelle où chacun veut de plus en plus la même chose, chacun veut de plus en plus écarter l'obstacle que représente l'autre et on se trouve dans des modèles de symétrie absolue. Contrairement évidemment à la différence linguistique dont nous parle le structuralisme, à mon avis le structuralisme et le post-structuralisme ne peuvent pas arriver à ces phénomènes de miroir parce que l'attitude linguistique est pour eux une espèce de tabou qui les empêche de penser l'extra-textuel, c'est-à-dire le conflit réel. Si nous acceptons cette vision des choses, nous devons penser que la mimésis d'appropriation non seulement tend à englober de plus en plus d'individus, le groupe dans son ensemble, et à créer un conflit, si vous voulez, qui s'accélère de plus en plus, qui s'intensifie. Et qu'à partir d'un certain stade, et là nous pouvons nous baser sur des quantités d'observations, même chez les animaux, les adversaires tendent à faire beaucoup plus attention les uns aux autres qu'à l'objet qu'ils se disputent. Par exemple, lorsque les éthologistes parlent de lutte de prestige, le mot prestige est un anthropomorphisme, très visiblement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on supprime l'objet qu'il se dispute, il continue à se battre, n'est-ce pas? Par conséquent, il y a déjà là une prédominance du phénomène mimétique, du conflit mimétique, sur le conflit objectal. Alors, on peut penser, si vous voulez, que chez les hommes, cette prédominance va beaucoup plus loin et que l'objet tend à passer au second plan. À partir du moment où l'objet passe au second plan, le mimétisme va porter sur quoi? Le mimétisme ne peut plus porter que sur les éléments qui restent là, dans le tableau dont nous parlons, c'est-à-dire sur les antagonistes. Et je crois que l'énorme paradoxe que nous ne percevons pas au sujet des phénomènes mimétiques, mais paradoxe réel et auquel j'attache une importance prodigieuse, qui fait de la chose un mécanisme réel, c'est que là où la mimésis d'appropriation divise, la mimésis de l'antagoniste va rassembler. Elle va faire boule de neige. Autrement dit, si j'abandonne mon adversaire pour choisir le vôtre, pour adopter, pour faire cause commune avec vous contre un tiers, je vais accroître la puissance d'attraction mimétique. Et à partir de cette double polarisation sur le même adversaire, d'autres individus vont s'agréger à nous. Autrement dit, il y a une tendance au rassemblement de toute la communauté contre un adversaire unique. Et le phénomène dit du bouc émissaire, donc, ne serait pas du tout une idée, ne serait pas du tout un concept, ne serait pas du tout une espèce de décision a posteriori, mais serait un phénomène d'ordre instinctif ou inconscient. Enfin, ici, tous les mots me déplaisent, n'est-ce pas? Parce que nous parlons de choses, au fond, dont personne n'a vraiment parlé encore. Mais l'essentiel, c'est de voir l'efficacité du mécanisme. Autrement dit, la société, à partir du moment où elle est tout entière rassemblée, où elle expulse, ou tue, se débarrasse d'une façon ou d'une autre, agit une espèce de violence dont on peut dire qu'elle est cathartique déjà, n'est-ce pas, purgative, la communauté va se retrouver privée d'adversaires et privée de conflits, puisque le phénomène de mimétisme collectif peut déjà se décrire comme un phénomène de transfert. Le mot transfert est dangereux, étant donné ses sens psychanalytiques. Il s'agirait au départ d'un transfert infiniment plus simple, mais d'un type de transfert d'ailleurs que nous observons tous les jours lorsque nous donnons un coup de pied à notre chat, n'est-ce pas, parce que nous ne pouvons pas le donner à notre patron ou à notre femme, n'est-ce pas? Et ce genre de mécanisme me paraît absolument fondamental. Alors nous voilà donc avec des persécuteurs et un persécuté, enfin voilà. la victime. Mm-hmm. La victime de cet ensemble de processus de mimésis. Alors ce qui est en cause à partir de là, c'est le sacrifice en somme. Voilà. Alors c'est là, à mon avis, que la thèse devient très intéressante. Parce qu'on va voir que non seulement elle rend compte des représentations mythiques, mais elle rend compte des actes rituels. Elle rend compte d'une notion comme celle de sacré, qui a toujours passé pour très mystérieuse, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle rend compte de tous les grands piliers de la religion dite primitive, des religions de l'humanité. C'était la mimésis et le double, le premier des 9 volets de la série de Chemin de la connaissance, que Roland Hoguet consacrait au livre de René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Première diffusion, le 18 décembre 1978, sur France Culture. À suivre.